longtemps nous pour tes voix. Offre la nous ensemble et sont là ta des amis. Baby, ou peut compter si moi, si il faut nous vibrer, c'est juste un jour ouvert. Dans la paix qui attend nous. Et si faut nous tanguer, c'est tout un jeu ouvert. On peut compter si moi. Et sont là qu'à descendre.